donc attends, je voulais me mettre en 32, c'était plus simple. Non, merde. Sorti tout. Hello, Firebot. Please vote. Yeah, ok. Cool. Cool. Alors, Simon, what happened? Que passa? Que passa? Vieni toccar. Pas trouvé l'info. Bah quoi? Tu m'entends pas? Bah vas-y, chante. Je n'arrive pas à jouer chanteur ma matin. Mais ma voix, elle est horrible. C'est quoi le délire? Faut que j'enlève des choses. Non, faut que j'en rajoute. Hey, fire button. Bon, on peut faire autre chose. Alors attends, je cherche des trucs là. Je suis sur YouTube. Et j'ai des... ils sont tous partis. Stevie Wonder. Georgia in my mind. Tu connais ça? Putain, c'est en 65 de BPM. Putain, c'est vachement compliqué ça. C'est vachement compliqué ça. Voilà, attends. Voilà, attends. Georgia in my mind. Sol, si. Sol, si, mi, sol. Sol, si, mi, sol. Do, do, dièse. Oh putain, c'est des notes attachées les unes aux autres, donc ça va vite. Pourtant, ils ont mis un BPM en 65. Non mais tu joues ça comment à 2 à l'heure ? Georgia. Georgia. Mais... Fadias, don't, don't, don't. Hola, Simo. Hola, Simo. Ciao, ciao. Alors, attends, j'ai trouvé autre chose, un truc que je peux jouer. Blues. Il n'y a pas autre chose que des blues. Gypsy jazz. Putain, c'est pas de chose. Ah, ça c'est l'intro, fais voir. C'est chaud ça. C'est chaud ça. 160. Oh. Alors attends, j'ai entendu un changement dans une note alors que c'est la même. Enfin, pour moi. Thank you.